I comme innocence. Rien n'est plus beau que l'innocence, c'est-à-dire que la blancheur d'une âme sans tache. J comme justice. Rendre à chacun ce qui lui est dû, c'est la justice. La fuite en Égypte. Hérode envoie des soldats pour mettre à mort l'enfant Jésus. Joseph s'enfuit aussitôt avec Marie et l'enfant Dieu. Il voyage pauvrement. Joseph fait le chemin à pied. Marie, qui tient Jésus entre ses bras, est portée sur un âne. De temps en temps, elle regarde Jésus. Et Jésus la regarde en souriant. Et elle embrasse son cher fils. Le petit âne ne connaît pas la route, mais un ange le conduit pour qu'il ne se trompe pas de chemin. Quand on voyage avec Jésus, on ne s'égare jamais.